et l'indication qu'il y en avait qui adoraient le soleil et la lune, et la parole d'Allah. Parmi ces merveilles, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Sourate 41, verset 37. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les anges est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. Sourate 3, verset 80. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les prophètes est la parole d'Allah. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Sourate 5, verset 116. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les personnes pieuses et la parole d'Allah, ce qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes, à qui mieux, le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Sourate 17, verset 57. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les pierres et les arbres est la parole d'Allah. Que vous en semble des divinités, Lat et Hudza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Sourate 53, verset 19-20. Et le hadith d'Abi Waqid al-Layti, qu'Allah l'agré, qui dit: nous sortîmes avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, alors que nous étions convertis depuis peu de temps. Les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient et auquel ils accrochaient leurs armes, qu'on appelait Zat el-Anwat. Nous passâmes auprès d'un arbre et dîmes: ô messager d'Allah, donne-nous un Zat el-Anwat, tout comme eux en ont un. Jusqu'à la fin du hadith. La quatrième règle, c'est que les polythéistes de notre époque sont coupables d'un polythéisme pire que celui des anciens, car les anciens n'associent à Allah qu'en période de prospérité. Par contre, en temps de difficulté, ils adoraient Allah exclusivement. Quant aux polythéistes de notre époque, ils associent constamment, que ce soit en période de prospérité ou de difficulté. Ceci est indiqué par la parole d'Allah. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Sourate 29, verset 65. Et Allah demeure le plus savant.